sa chanson. Fais-le donc, raconte-moi ta vie en 2 minutes et demie. Tout le monde peut chanter sa chanson. Chante-la, toi aussi. Chante-la pour moi. C'est un rendez-vous très bizarre où je reviens de soir en soir. Plus drôle de pouvoir inverser les rôles pour un soir. Tout le monde peut chanter sa chanson. Fais-le donc, raconte-moi ta vie en 2 minutes et demie. Tends les bras vers le noir. On communique par la musique, mais c'est toujours à sens unique. Viens, je te rends les projecteurs. Et je deviens ton spectateur.